fort, la robe. Ici, je vois ma peau, tu me la vois pas de haut. Nous fort avant. N'oublie cela de toi. Oublie la neuf parois. Gagne tout notre port. La ronde. Nous fort dans l'eau. Ne pas nous pop la peur. Non, oh, oh. De l'intention, n'y a qu'un pas pour les prophètes, celui des réels que en croix qui ont les fleurs de la bohème. Permets-moi que je t'emballe, que je te plie comme un courrier, écho du cœur et du courage. Je prie parfois pour que tu tombes, que t'atterrisses sur mes cahiers, comment les mots flous qui me plombent. Descends d'ici, petit papier. Plein au bas de fond. Ma vie, papa. Marie Farfam, Marie Farfam. Marie Farfam. De vous dire à toutes les formes qu'on interprète, à toutes les flammes qui nous animent, parachute en papier, permets-moi que je t'emballe, que je te plie comme un courrier, écho du cœur et du courage. Comment les mots flots qui me plombent descendent d'ici petit papier. Si l'on te trouve, j'aurai honte que mes mots paraissent sans yeux, ainsi montrer aux yeux du monde. Voilà les mots parachutés. Pourtant, la nature nous écoute.

plam, menene hu hop plam, menene hu hop plam, menene hu hop plam, menene hu hop plam, menene hu hop plam, menene hu hop plam, menene hu menene hu menene hu menene hu menene hu menene hu. De l'intention, il n'y a qu'un pas pour les profonds, celui d'errer le cœur en proie, cueillons les fleurs de la bohème. Le souvenir que du vacarme et ce carquois en bandoulière a-t-il censé que je m'assoie pour retenir ce poème? Des sourds que j'aperçois, et bien souvent sont volontaires pour réveiller chez les vieilles dames de la sagesse dans leurs affaires. Yes. Cool. How? C'était chouette les voix. Ok, je vois. OC Trooper. Les voix, c'était quoi ton pseudo? Thank you.